Êtes-vous riche ? Demanda Atala qui jouait avec les manchettes de la baronne. Oui et non, répondit la baronne. Je suis riche pour les bonnes petites filles comme toi, quand elles veulent se laisser instruire des devoirs du chrétien par un prêtre, et aller dans le bon chemin. Dans quel chemin ? Dit Atala. Je vais bien sur mes jambes. Le chemin de la vertu. Atala regarda la baronne d'un air matois et rieur. Vois, madame, elle est heureuse depuis qu'elle est entrée dans le sein de l'église, dit la baronne en montrant la femme du fumiste. Tu t'es mariée comme les bêtes s'accouplent. Moi ? Reprit Atala. Mais si vous voulez me donner ce que me donne le père videur, je serai bien contente de ne pas me marier. C'est une scie. Savez-vous ce que c'est ? Une fois qu'on s'est uni à un homme comme toi, reprit la baronne, la vertu veut qu'on lui soit fidèle. Jusqu'à ce qu'il meure, dit Atala d'un air fin. Je n'en aurai pas pour longtemps, si vous saviez comme le père videur tousse et souffle. Peu, peu, fit-elle en imitant le vieillard. La vertu, la morale veulent, reprit la baronne, que l'église, qui représente Dieu, et la mairie, qui représente la loi, consacrent votre mariage. Vois, madame, elle s'est mariée légitimement. Est-ce que ce sera plus amusant ? Demanda l'enfant. Tu seras plus heureuse, dit la baronne, car personne ne pourra te reprocher ce mariage. Tu plairas à Dieu. Demanda madame si elle s'est mariée sans avoir reçu le sacrement du mariage. Atala regarda la femme du fumiste. Qu'a-t-elle de plus que moi ? Demanda-t-elle. Je suis plus jolie qu'elle. Oui, mais je suis une honnête femme, et toi, l'on peut te donner un vilain nom. Comment veux-tu que Dieu te protège si tu foules aux pieds les lois divines et humaines ? Dit la baronne. Sais-tu que Dieu tient en réserve un paradis pour ceux qui suivent les commandements de son Église ? Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis ? Y a des spectacles ? Dit Atala. Oh, le paradis, c'est ! Dit la baronne. Toutes les jouissances que tu peux imaginer. Il est plein d'anges dont les ailes sont blanches. On y voit Dieu dans sa gloire, on partage sa puissance, on est heureux à tout moment et dans l'éternité.